Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le cinéma de Jacques Tati. Moi, je ne m'ennuie jamais à une terrasse de café, parce que vous pouvez me donner rendez-vous et avoir un quart d'heure de retard, je ne vous attraperai pas. J'ai peut-être vu le meilleur film de la semaine. Jacques Tati, à l'émission Caméra 3 en 1968, la force du cinéma de Jacques Tati repose en bonne partie sur son formidable sens de l'observation. Le cinéma de Jacques Tati est un cinéma peu bavard qui veut saisir l'air du temps en nous montrant le monde qui nous entoure dans toute sa drôlerie et dans toute son humanité. En quelques films seulement, Jacques Tati a su trouver sa place au panthéon du cinéma français. Aujourd'hui, dans le cinéma, chaque fois que l'on demande à un metteur en scène ce qu'il a fait, il est dans l'obligation de vous dire « j'ai fait ce film, mais si j'avais eu à ma disposition un tel, or que l'on m'a obligé d'avoir Monsieur Tartempion, je ne cite pas de nom, pour faire le rôle du frère, j'aurais voulu Madame pour faire le rôle de la mère, et c'est dommage qu'on m'ait obligé de faire une telle adaptation. » Alors, dans le fond, il n'y a absolument, dans ce sens, c'est devenu une grande industrie, il n'y a aucune liberté artistique. Moi, j'ai cet avantage, le film est bon ou il est mauvais, enfin, il y a un numéro de téléphone, c'est le mien, on peut me téléphoner en me disant « Tati, j'aime pas votre film ». Mais ceci dit, je dois reconnaître que je ne peux absolument pas vous dire, et c'est une grande satisfaction pour moi, je peux pas vous dire, écoutez, voilà, on m'a obligé de prendre Monsieur Bourgois, chef opérateur, on m'a obligé de le tourner en couleur, on m'a obligé de mettre telle musique, j'ai fait exactement ce que j'ai voulu, et ça a l'air d'étonner aujourd'hui le cinéma, l'industrie cinématographique en particulier, en disant « Tati fait ce qu'il veut ». Jacques Tati, à l'émission Carrefour en juin 1958, pour nous raconter la vie et l'œuvre de Jacques Tati, je reçois le chroniqueur cinéma Georges Privet. Georges Privet, bonjour. Bonjour, Jacques. Il a fait très peu de films, Jacques Tati, au fond, quand très on peu, y pense. Très peu, 5 ou 6 en 21 ou 22 ans. Et pourtant, une place, une très, très grande place dans l'histoire du cinéma français. Pourquoi Georges Privet? Parce qu'il a su imposer rapidement, presque d'un seul coup, une sensibilité, un regard, une oreille, une poésie qui n'appartiennent qu'à lui, que beaucoup de gens ont imité par la suite, on en discutera peut-être plus tard, mais qui lui sont vraiment propres, et parce que ses films, je pense, nettoient le regard, débouchent les oreilles, nous amènent à réévaluer nos perceptions, à regarder vraiment le monde différemment. Une des plus belles choses, Tati disait qu'un spectateur lui avait dit, c'était un enfant de 5 ans qui était sorti de Playtime et qui lui avait dit, ce qui est chouette, c'est que quand le film est fini, il continue dans la rue. Tellement on voit le monde différemment en sortant de ses films, et je pense que c'est très vrai. Nous ouvrir les yeux, au fond. Cet observateur qu'il était, on l'entendait là, quand il disait « Ah oui. Moi, dans un café, je m'amuse, je regarde. » Ce qu'il a dit sur le café, il l'a dit sur les gares, sur les aéroports, tous les endroits où on peut regarder des gens, il prenait des notes, il trouvait ça passionnant. Un des secrets, je pense, du talent de Tati, c'est que c'était à la fois un mime, un sociologue, un ethnologue et un peu un caricaturiste. Alors, une espèce de précision dans l'observation. Et après ça, le don d'exacerber ce qu'il avait observé juste un peu pour qu'on le reconnaisse, mais que ce soit drôle. Et donc, c'était vraiment un étudiant inlassable du comportement humain. Et ça donne quoi sur un grand écran, ce regard de Tati? Parlez-moi de son style. À quoi on reconnaît un film de Jacques Tati? Je pense qu'il a pas l'air d'un autre film, mais il sonne pas comme un autre film. D'abord, les dialogues sont réduits à leur plus simple expression. L'histoire est un prétexte vraiment narratif et une succession de scènes nettes qui construisent quelque chose, mais pas une histoire dans le sens traditionnel. Les dialogues sont presque inaudibles, c'est du son, c'est pas vraiment de l'information. Même quand Hulot parle, généralement, on entend dire son nom. Hulot, c'est tout comme ça, entre deux syllabes. Et il a un regard, je pense, pour moi, c'est ça sa grande contribution, très démocratique. C'est-à-dire que le cinéma, c'est quelque part un art très directif. Hitchcock, c'en est le meilleur exemple, ou Spielberg. On montre une femme qui crie, on montre une main en gros plan qui se serre autour de son cou, on montre la main de la femme qui essaie d'atteindre le téléphone. Une succession de gros plans qui construisent une émotion très déterminée, surdéterminée. Tati, c'est tout le contraire. Tati, c'est un écran très large, dans lequel il peut y avoir deux ou trois gags différents que la caméra ne vous indique pas forcément. C'est un peu comme le jeu des 7 erreurs. Il faut regarder un peu partout dans l'image. Des fois, le gag, il est visuel. Des fois, il dépend d'une couleur. C'est un cinéma très subtil, mais très efficace, très drôle, et qui est vraiment purement cinématographique. On n'est pas dans du théâtre filmé, comme c'est souvent le cas, ou des choses qui avancent par la magie du dialogue et qu'on pourrait tout aussi bien faire à la radio. Si vous écoutez 12 hommes en colère, c'est un grand film, mais vous pouvez l'apprécier à la radio. Playtime ou Les vacances de M. Lowe, il faut le voir. Oui. Ça ne marche que sur le son et sur les images. Et Tati construit quelque chose dans ce domaine-là avec une poésie et un amour de l'humain. Parce que l'humain le fait rire, mais il est empathique par rapport à la condition humaine, par rapport à nos drôleries, à nos paradoxes, à nos absurdités, qui fait qu'il y a vraiment une sensibilité vraiment unique. De la même manière qu'on connaît un film de Chaplin instantanément, ou Keaton. Et ça, c'est assez rare dans la comédie des auteurs. Qui ont eu cette force-là. Et lui, il joue dans ses films comme Keaton et comme Chaplin, mais il joue un rôle toujours très effacé. À la limite, M. Hulot, c'est un figurant. Ouais. De la même manière que c'est cette espèce de démocratisation du regard, il y a aussi une relativisation de son importance dramatique. Des fois, un personnage qui porte un verre à table dans un restaurant est à ce moment-là beaucoup plus important que M. Hulot. Ouais. Donc ça, c'est très particulier comme combinaison, si vous voulez, de sensibilité et de talent et d'aptitude, et ça fait un cinéma qui est extrêmement singulier. Parler du sociologue Tati, puis c'est vrai qu'à ça, cet observateur qu'il est, qui regarde la société dans laquelle il vit, cette société qui change, ça le fascine. L'homme, l'humain le fascine, mais la société dans laquelle évolue cet homme et cet humain le fascine aussi. Parlez-moi de ça. Qu'est-ce qui l'intéresse? Bien, ce qui l'intéresse, je pense, c'est Hulot, c'est un personnage déphasé. Il est déphasé par rapport au changement qui l'entoure. C'est son grand personnage. C'est son grand personnage qui revient dans presque tous ses films. Il n'est pas dans Jour de fête, mais par la suite, on suit M. Hulot. Mais dès Jour de fête, il y a l'idée d'observer quand même une société, un personnage dans un monde. Et c'est un monde qui change. Quand on regarde Jour de fête, qui était fait en 49, Les vacances de M. Hulot en 53, Mon oncle en 58, Playtime en 67 et Trafic en 71, on voit la France qui change beaucoup. On voit l'arrivée des congés payés, par exemple, dans Les vacances de M. Hulot. On voit les nouvelles maisons inspirées de maisons américaines dans Mon oncle. Mmh. On voit les gratte-ciels qui envahissent Paris dans Playtime. On voit donc une société qui est en évolution et des personnages dont l'humour provient en grande partie de leur décalage par rapport à ces changements et de la manière dont ils essaient de gérer et de vivre ces changements-là. Ceci dit, c'est toujours fait sans prétention. C'est pas une thèse de doctorat qui construit sur l'époque et les changements qui la caractérisent. Mais comme il a un grand sens de l'observation, c'est toujours, toujours, toujours là en filigrane. Et c'est, je pense que c'est ultimement le sujet de tous ces films. Ouais. L'humain face à l'évolution de son environnement. C'est pour ça que le plan large s'impose toujours. Le monde qui entoure ces personnages est extrêmement important. Ouais. Et le combat de ces personnages, c'est la manière dont ils vont arriver à composer avec ces changements, avec cet environnement-là. Des fois, sous un prétexte très léger, ça peut être les vacances à la plage, quoi de plus anodin. Mais ça dit quand même beaucoup de choses sur l'époque et sur la manière dont les gens la vivent. Comment il en vient au cinéma, Jacques Tati, Georges Brivet? Il en vient par un chemin très, très, très détourné. En fait, il y arrive par le mime. Au début, il est un lointain héritier de la noblesse. Il avait un grand-père ou un arrière-grand-père qui était conseiller du tsar en Russie. Tati, c'est Tatichev, le nom au début. Donc, il a francisé ça. Il a un père encadreur. Il semble se destiner à ça, mais très vite, il est intéressé par les arts et par le sport. Il fait beaucoup de rugby. Il est très athlétique. Et au sport, comme il aime bien caricaturer, comme il aime bien le mime, il fait des caricatures d'abord au début pour les amis de comportement sportif, le joueur de rugby arrogant, des choses comme ça. Et très vite, c'est si apprécié qu'il l'envie lui prend d'en faire des spectacles. Et les spectacles rencontrent un certain succès. Au début des années 30, il y a Colette qui va le voir un soir et qui écrit de très belles pages sur sa performance ce soir-là. Il commence à se produire un peu partout, à Paris, à Berlin. Il fait un peu le tour de l'Europe. Il attire l'attention des gens de cinéma inévitablement. On commence à filmer ses pantomimes qui tournent autour justement de performances sportives dans les premiers films. Et à un moment donné, un producteur qui le repère, enfin, Il a des petits rôles aussi chez Claude Autant-Lara et dans le cinéma qui se fait à l'époque, mais c'est pas vraiment lui. Il impose pas encore son personnage. Mais quand il fait un court-métrage qui s'appelle L'École des facteurs, il y a un producteur, Fred Orin, qui le repère et qui dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire un long-métrage à partir de ce court. Et à partir de ce moment-là, il tient véritablement les rênes de sa carrière et son génie du pantomime va s'élargir aussi pour inclure un génie de la mise en scène. Mais c'est tout ça très affirmé dès le premier film et c'est ça qui est fascinant. Ouais. Premier film, donc premier long-métrage, Jour de fête, dont vous parliez il y a quelques minutes. Et puis arrive en 53, Les vacances de Monsieur Hulot, qui est vraiment le film qui va vraiment le faire connaître, qui sera un très, très grand succès. Film dans lequel arrive pour la première fois le personnage de Monsieur Hulot. Presque tous les enfants de Saint-Marc ont figuré dans le film, hein, mais tous n'ont pas été retenus parce que Tati faisait beaucoup, beaucoup de prises. C'était évidemment toute une après-midi au soleil, à attendre que les nuages passent, que la lumière soit assez forte et que Tati soit prêt, que tout le monde soit prêt. Hein. Ça, c'est le cinéma. On nous avait dit, mettez-vous là sur le bord de la falaise et puis vous jouez, et en attendant que Tati vienne à côté de vous. Pierre Joubert, à l'émission de France Inter, Histoire de cinéma en juillet 2012. C'est donc avec Les vacances de Monsieur Hulot que Jacques Tati s'impose comme une voix importante du cinéma français. Je le disais, Georges Privet, c'est aussi dans ce film-là qu'arrive son fameux personnage qui va le suivre par la suite, Monsieur Hulot. Comment décrire? Vous l'avez un petit peu fait, mais comment décrire ce personnage? C'est d'abord une silhouette reconnaissable entre toutes, avec son éternel imperméable, ses pantalons un peu trop courts, la pipe toujours accrochée au bec, avec son omniprésent parapluie et son chapeau. C'est un mésadapté un peu. C'est quelqu'un qui a un peu de mal à fonctionner en société. Il est très bienveillant, totalement désintéressé de tout gain personnel, toujours prêt à aider les autres, mais c'est quelqu'un qui n'est pas fonctionnel dans une époque qui est obsédée par la fonctionnalité, entre guillemets. Et c'est étrangement un personnage, on l'a appris très récemment, qui lui a été inspiré par le grand-père du célèbre écologiste français Nicolas Hulot. Ah bon? C'est-à-dire que Jacques Tati, à l'époque où il conçoit les vacances de Monsieur Hulot, habite dans un immeuble conçu par un architecte qui s'appelle Monsieur Hulot. Et c'est un immeuble assez moderne apparemment. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, la concierge dit « il va falloir appeler Monsieur Hulot ». Et ce personnage-là, qui lui ressemble un peu physiquement, le fascine par son côté un peu distrait, un peu maladroit. Il commence à s'en inspirer. Il demande à ce monsieur la permission de l'appeler Monsieur Hulot. Le monsieur dit oui, pourquoi pas. Et donc, littéralement, Monsieur Hulot a existé. Et Tati, est tombé amoureux de ce personnage. Mais toujours en lui réservant une place très modeste. Ouais. C'est presque un figurant dans ses aventures Hulot. Ouais. Et d'ailleurs, une des particularités d'Hulot, c'est que Tati disait « J'aimerais bien qu'il devienne un personnage d'arrière-plan, qu'on le voit dans les films de X ou Y, dont on le voit dans d'autres films que les miens. » Et Truffaut l'a pris au pied de la lettre. On voit M. Hulot se promener à l'arrière-plan d'une scène de Domicile conjugal, un des films de Truffaut. Et d'autres cinéastes comme ça ont essayé de suggérer des M. Hulot à gauche et à droite dans leur œuvre, simplement en hommage à ce personnage que Tati avait imposé. Et ce film-là, vraiment, va marcher très, très fort. Ça va être un succès populaire, un succès critique. Et puis, quelques années plus tard, la suite, en quelque sorte, des vacances de Monsieur Hulot, avec le film Mon oncle. On écoute à nouveau Jacques Tati parler de Mon oncle à l'émission Carrefour en juin 1958, mais parler aussi, vous allez voir, beaucoup de sa vision de l'humour. Votre sœur est vraiment, vraiment charmante. Oh, oui. Et en plus, c'est une maîtresse de maison. Étonnant. Des qualités exceptionnelles. Elle est extraordinaire. L'ancienne formule du personnage comique qui venait devant la caméra et surtout dans tout le film en disant « Je suis le petit rigolo de la soirée. » Bon, alors, je suis très drôle, on m'a engagé pour être très drôle et je suis le personnage important du film. Personnellement, moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas. Ça a été une formule, elle a été excellente, Laurel et Hardy nous ont beaucoup fait rire, mais je ne crois plus aujourd'hui à deux messieurs qui rentrent dans un salon, qui cassent tout, et que les gens qui sont dans ce même salon ne voient pas les gars qui fond. Je crois que le comique a évolué et que vous le trouvez davantage dans la rue en observant les gens. Monsieur Hulot n'est pas plus important qu'un autre personnage du film. On peut préférer le balayeur même à Monsieur Hulot. On peut trouver le chien des Harpel peut-être plus comique que le balayeur. Et ça, c'est à vous d'observer dans la vie, dans la rue. Et je crois qu'il n'est pas besoin d'être un comique professionnel pour déclencher un gag. Vous pouvez, et vous rencontrez très souvent, un monsieur très important, allant dans un conseil d'administration avec son chapeau, sa cravate et son faux col impeccable, et s'il crève, il est capable de nous faire un très bon numéro de roues démontables, de pneus crevés, de passer sous la voiture, de salir, et ça peut être vraiment très drôle. Oh, quelle joie pour une femme de pouvoir s'occuper de... d'un intérieur, d'avoir un but, quelqu'un qui... je vous parle de tout ça et j'oublie totalement le cirque de votre côté. C'est plutôt un intellectuel. Jacques Tati, qu'on entendait au moment où sort son film « Mon oncle », parlez-moi un peu de ce film, Georges Prouvé, mais peut-être surtout avec ce qu'on vient d'entendre de cette vision qu'a Jacques Tati. Il vient du burlesque, mais on voit bien qu'il s'en est... Ça reste là, l'influence, mais il s'en éloigne. Parlez-moi de la vision qu'il a de l'humour au cinéma. Mais d'abord, il observe beaucoup, comme on l'a dit, donc il accumule beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Et quand il observe, il voit des gens qui ne sont pas des acteurs. Alors, il cherche, comme Federico Fellini, des types physiques, des gens qui pourraient porter des gags. Il leur mime très précisément ce qu'il veut d'eux, ce qu'il attend d'eux. Essentiellement, tous les personnages dans les films de Tati bougent comme Jacques Tati leur a montré, reproduisent les gestes qu'il attendait d'eux. Sur ce plan-là, il est très directif, pas sur le plan dramatique, comme on l'a vu, une démocratisation du regard, de l'importance des personnages. Et son cinéma se construit très lentement, très patiemment. Scénarios qui sont très vagues, très approximatifs, des prétextes. Mais beaucoup de répétitions, beaucoup de prises sur le plateau, énormément de temps en post-production, jusqu'à un an, pour refaire complètement la bande sonore, pour entendre essentiellement ce qu'on vient d'écouter, du faux dialogue ou du dialogue étouffé ou entre-entendu, si vous voulez, entre deux bruitages. Et donc, il devient... Ça lui amène un surnom qui est Tatillon parce qu'il va passer un temps fou. Et donc, des films qui coûtent cher. Heureusement, le succès international des vacances de M. Hulot lui donne une certaine indépendance, mais qu'il va beaucoup risquer à l'époque de Playtime, en jouant très gros, peut-être trop gros. Et sa manière de travailler fait qu'il a besoin et qu'il le prend. Il a besoin de temps. Absolument. Il prend le temps, il le revendique. Il va se passer quelques années. Entre chacun de ses films, il se passe quelques années. On écoute justement, pour poursuivre sur ce que vous venez déjà d'effleurer comme façon de travailler de Katati, on écoute sa fille, la monteuse Sophie Tatichef, à l'émission Les Temps modernes en avril 1995. Il tournait, il montait, son film sortait, on allait en projection, enfin moi à partir de Playtime seulement, puisqu'avant j'étais trop jeune. Il écoutait la réaction dans le public, on retournait dans la salle de montage, on rallongeait, on raccourcissait. Donc on était engagé sur un film de Tati, sur 4 ans, on ne pouvait pas faire d'autres films pendant ce temps-là. Mais bon, c'est une manière de... Il se considérait un peu comme un artisan qui travaille une commode... Une fois qu'elle est terminée, on la vernit, puis il se rend compte qu'il faut changer un peu les pieds. Donc, il travaillait un peu comme un artisan, c'est-à-dire que jamais pour lui, un film était terminé. Donc, comment travaille donc l'artisan Tati, Georges Privet? Bien, il travaille très patiemment et il est toujours en train de penser à ce qu'il pourrait refaire, comme le dit sa fille. En 1979, après avoir vu Jaws, il voulait ajouter une scène inspirée par Jaws dans les vacances de M. Hulot. Oh! Ça vous donne une idée. Ouais. Donc, il sur le code de Playtime qui va devenir sa grande œuvre, son film le plus magistral, il a besoin de construire essentiellement le Paris de demain, qui est en train d'exister, mais où on ne peut pas tourner. Donc, il va littéralement construire une ville qu'on va surnommer Tativille. Ouais. Ça va le ruiner parce que l'indépendance qu'il a, il la paye. C'est un film qui va coûter en dollars d'aujourd'hui presque 30 millions de dollars, ce qui est beaucoup. C'est pas pharaonique, ouais. C'est pas une catastrophe. C'est grosso modo le budget de l'avant-dernier film de Xavier Dolan. Donc, ouais. On parle d'un gros budget, mais c'est pas énorme. Mais comme le film va être un flop, il va perdre la mise et ça va être le début de la fin pour lui, malheureusement, parce que c'est un film absolument génial. Et qu'il va continuer de revendiquer toute sa vie. Il a de grandes ambitions, mais des ambitions très assumées quand il fait Playtime. On l'écoute justement en parler à Michel Pollack à l'émission Caméra 3 en 1968. minute. Il y a eu malheureusement, si vous voulez, beaucoup de publicité disant un film de 1,5 milliard ou je ne sais quoi. Et alors les gens attendaient, ben, je ne sais pas moi, un message gigantesque ou une mise en scène gigantesque. Et finalement, vous restez fidèle à une chose qui est essentielle aujourd'hui, qui est justement d'apporter aux gens une certaine distance et un certain humour quotidien sans lequel je crois que la vie deviendra invivable. Ben oui, mais cette dépense, c'est justement... Alors on parle d'argent... c'est cher, bon, tout est cher, ça coûte pas plus cher que les autres films que vous allez voir tout à l'heure, enfin, ouais. Je sais pas. Vous m'avez dit que ça n'avait pas coûté. Ça n'avait pas coûté plus cher que La Grande Vadrouille, en tout non, cas. Non, ça coûte pas plus cher, bon, ouais, ça coûte 4 fois moins que Docteur Doolittle, ça, avec ouais. Machin. Bon, ouais. Alors, et puis les spectateurs, ça... Je crois que ça ne les regarde pas, en fin de compte. Je ne vois pas une maîtresse de maison en train de dire « Monsieur, venez prendre le thé à la maison, vous pouvez vous asseoir, mon mari a payé ce fauteuil 60 000 francs. Enfin, » Ça arrive, remarquez. Ça arrive. Oui, ben d'accord, mais ce ne sont pas mes clients. Moi, ouais. Enfin, je veux dire. Alors, je crois que, bon, on a fait un film... J'ai employé énormément de techniciens, nous avons donné du travail à beaucoup de techniciens, ce que les autres ne font pas, je m'excuse, nous avons employé beaucoup d'acteurs professionnels, nous avons donné du travail à beaucoup de monde, nous avons essayé sur un plan technique de faire que nous avions les possibilités en France de faire un film d'une valeur de qualité de photo et qualité de son qui existe et qui existe à l'Empire, je m'excuse. Eh bien, les Américains trouvent que nous avons fait un effort et que le film de ce côté-là est bien fait. J'ai défendu une industrie, un métier que je fais et j'ai pas de honte à dire que je me suis donné beaucoup de mal et à mon âge, passer 5 ans pour faire ça, eh bien je crois que je devais le faire et je suis ravi de l'avoir fait. Ça, on vous approuve en tout cas. Noble ambition, donc, Georges Privet, quand il s'attaque à Playtime, mais ça va lui coûter très cher. Ça va lui coûter très cher, mais ça fait un film vraiment magnifique. Moi, un de mes plus beaux souvenirs de ma vie de cinéphile, c'est d'avoir revu le film au Wimentoscope, aujourd'hui disparu, dans une salle pleine. Et on voyait différents groupes de spectateurs indiqués à l'écran. Les gens riaient, mais pas des mêmes gags, dans les mêmes plans. Ouais. C'était stupéfiant. Et on voyait... Et depuis, il y a eu des livres qui analysent les gags plan par plan. Il y en a 3 dans celui-ci, il y en a 4 dans celui-là. Mais il faut le voir sur grand écran. Si on le voit sur cette télévision, littéralement, les gags passent pas, il y en a trop. Ouais. Donc, c'était vraiment un testament à sa vision du cinéma. Et c'est un immense pari qui, malheureusement, a eu aucun succès. Aux États-Unis, il a été tellement incompris qu'il a même été coupé, amputé d'une grande partie de son temps et diffusé à la télévision comme un spécial. Et puis, c'est la fin pour lui. Il y aura Trafic ensuite. Il y aura Trafic. Il y aura un petit film, en fait, qui est une captation vidéo qui s'appelle Parade. Mais essentiellement, Playtime, c'est son plus beau film et c'est son tombeau. C'est le film qui l'aura emporté. Ouais. Mais ça reste aujourd'hui son film le plus discuté et celui qui a eu le plus d'influence sur d'autres cinéastes. Georges Privet, c'est toujours un bonheur. Merci, Georges. Plaisir. Collaborateur et critique de cinéma à Mediafilm, à notre antenne, aussi dans les pages de la revue L'Inconvénient. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.